أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شيف غيسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسجي بو سسوى سي كمانيه المسلمان اللي بيزن فيف avec un kafir, avec un non-musulman d'après l'islam. Premièrement, qui veut dire un musulman? Le mot arabe pour musulman, c'est muslim. Un muslim, un musulman, c'est Sadimun qui ne soumet à Allah, quel que soit son nom, son nationalité, couleur sur la peau, etc. N'importe qui Dimun qui n'accepte pour vivre dans din Allah, les musulmans. N'importe qui Dimun qui fait n'accepter pour vivre d'après din Islam, il y a un muslim. N'importe qui dit monde qui fait accepter pour conditionner sur la vie d'après la loi islam, la loi Allah. Ça, c'est un muslim. Si nous ne réussissons pas la définition muslim, il est clair, il est plus facile pour nous comprendre la définition un qui n'est pas musulman. C'est un qui n'est pas d'accord avec din Allah. Un qui n'est pas accepté din Islam. Un qui n'est pas oulé din Islam. Ça dit mon là, il est un non-musulman. En termes Coran, il est un kafir. C'est-à-dire devant Allah, il est un kafir. Même s'il appelle Faiza, même s'il appelle Ibrahim. Ça dit mon là, il n'est pas d'accord avec l'islam. Ou un bon parti, c'est qu'il y a dans l'islam, il trouvait pas capable d'appliquer, pas capable de vivre d'après ça l'islam là dans le 20e siècle. Ça dit mon là, il est un kafir, même si à cause de son nom arabe, nous parle enterré dans le cimetière ben, musulman, les fin mort. Un musulman, il est bien content. Qui est un musulman? Les besoins contents, les besoins fiers, qu'Allah fin donne l'Iman et l'Islam. Et les besoins n'ont aucun complexe dans lui pour faire sa dimoun qui pas musulman là, connaît qui lit les musulmans. Un musulman, il ne faudrait pas qu'il y gagne honte. Il ne faudrait pas qu'il y sente qu'il peut perdre 10 points devant un kafir s'il peut laisser le kafir la connaître qu'il lit un musulman. Ce qui veut dire qu'il peut comprendre qu'il lit un musulman là sur la vie pour bien automatiquement différer avec sa non-musulman là. Et pour dire ça aussi, il ne peut pas gagner honte. Pour l'escafer la connaît, qui m'a façon de vivre, avec ta façon de vivre, les différer. Dans le Coran, dans le Surah Kafiroun, Allah même donne l'aude. Premièrement, l'aude qui adresse avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il adresse avec chaque croyant, chaque musulman. قل يا أيها الكافرون dit eh ban kafir dans dernier ayat dans sa surah là lakum dinukum waliyadin zot din pou zot modin pou moi ça veut dire ça zot zotena zot façon de vivre moi moi na mo façon de vivre zotena zot din moi na modin Allah peut donner l'ordre à un musulman pour dire avec kafir qui t'a ta façon de vivre pour toi, moi ma façon de vivre pour moi. Donc, un musulman, libyen, n'a aucun complexe pour dire avec un kafir, quand kafir là peut inviter musulman là pour faire une petite chose qui en condamne l'islam, musulman là, libyen, pas gagné honte pour dire, te connais mon culture, défends-moi ça. Tu connais ma religion, pas permettre-moi pour faire ça. Pas gagner honte pour dire ça. N'importe qui poste ou qui travaille, pas gagner honte pour dire la vérité. Un cadeau qui Allah fin donne où? Iman et Islam. Et c'est Allah qui peut donner l'autre ici pour dire avec kafir, lakum dinukum waliyadin. Et Allah fait connaître dans le Coran, dans Surah 3, ayat numéro 139, Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah dit, adressant avec ban musulman, qui zot supérieur, si zot croyant, veut dire si zot vraiment musulman, zot plus bon qui saban là, zot supérieur devant Allah. Guide valeur. Qui Allah fin de musulman. Donc, est-ce qui nous gagnons honte pour dire kafir là, quand il peut offrir nous, par exemple, dans l'occasion, il peut offrir nous un verre whisky, est-ce qui nous gagnons honte pour dire lui, monsieur, mon religion, pas permettre-moi, s'il peut donner nous da'awat, pour un get together, pour un pelmel kotli dans l'occasion. L'Ali pour dire nous, amène tifi, amène madame tout. Est-ce qu'il nous gagne honte pour dire lui, monsieur, sa qualité faite là, sa qualité pas, sa qualité la mise là, mon religion, pas permettre-moi, excuse-moi. Comme ça même, n'importe qui pratique, qui haram d'après nous dit. Quand un non-musulman donne nous l'invitation pour pratiquer lui, avec plus bonnes paroles, nous refuse-li et nous fait-li connaître qui nous religion pas permettre nous musulmans nous n'en digne si so digne si so religion permettre-li pour faire telle pratique et si pour nous pas permettre nous pas gain droit satisfaire sa non musulman là pour déplaire Allah. Din islam lien din complète. Lien din complète parce que c'est Allah qui fin prépare sa jolie din islam là. Din islam montrer des moun qui fin accepter pour vivre dans din islam. Comment manière les besoin vivre le salaté là. Din islam montrer un musulman qui relation, qui qualité relation qu'il a besoin en a avec son créateur, c'est-à-dire qui qualité iman qu'il a besoin en a lo Allah, qui qualité conception qu'il a besoin en a dans bon Dieu, qui ban attribut, qui ban sifat qui Allah en a qui le musulman besoin accepter, besoin croire. Dans quelle façon qu'il ait besoin d'épanne l'eau au Créateur, sa relation entre un musulman et son Créateur. Et aussi, din islam, un mode de vie parfait, montrer le musulman comment les besoins vivent avec un humain pareil comme Ali. Din islam, montrer un musulman, quelle qualité relation qu'il ait besoin et n'a avec Un dimoun de Salatéala, l'histoire, un musulman ou bien un non-musulman. soit il y a un musulman ou bien il y a un kafir. Et donc, dîn islam qui complète, qui parfait, puis montrer le musulman comment il besoin vivre avec un musulman, et aussi dîn islam montrer le musulman comment il besoin vivre avec un non-musulman, et ça même nous sujet pour ce soir. Comment un musulman besoin vivre avec un non-musulman d'après l'islam. Normal, ce sujet-là est bien vaste, mais seulement nous pouvons prendre une bonne partie là-dedans. Nous vous divisons en trois parties en ce qui concerne relation un musulman avec un non-musulman. Une partie qui concerne ban quelque chose concernant dunya. Une deuxième partie qui concerne ban quelque chose qui n'a rapport avec din, et une troisième partie qui concerne akhirat. Premier, concernant relation un musulman avec un non-musulman dans affaires dunya. Eh bien, l'islam montrait le musulman pour agir bien avec le non-musulman. L'islam fait connaître qui pour chaque bonne action qu'un musulman fait, une bonne action qui le non-musulman bénéficie avec lui, pour ça aussi le musulman pour gagner récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire, parce que quand nous aide un musulman d'un bon travail, c'est là seulement qui nous gagne récompense auprès d'Allah, mais aussi quand nous aide un non-musulman d'un bon travail pour faire Allah plaisir, pour ça aussi il y a une récompense auprès d'Allah. Comme par exemple, si on a un camarade non-musulman, c'est-à-dire un kafir, mais seulement les pauvres, on a été mangé un donné. Vous connaissez avec ce 3-4 enfants, le 1 mois qui ben là capable de gagner des 3 bouts de la viande. Ou on a acheté des 3 livres de la viande, fin quitte coûte sa kafir là, coûte sa madame kafir là, coûte sa zom kafir là. On dit il prend ça, oui, manger de bons enfants. Pour sa action là, on a récompense à gagner auprès d'Allah. Il y a une action qui est recommandée par l'islam. Aucun non-musulman qui est malade, c'est pas lié aux connaissances ou bien aux voisins, ou bien voisines, il est malade. Il m'a casse par cette médecine. On donne lui casse. Au final, cette médecine, au final, donne lui. Pas pour gagner titre avec lui. Mais où l'intention c'est pour faire Allah plaisir, connaît qu'il y a une récompense pour eux auprès d'Allah. Un non-musulman, devant où la porte il finit une panne mécanique, sur motocyclette, ou bien sur l'auto finit en panne, il a besoin d'un outil pour dépanner lui. Ça, outil qui vous prête lui là, ou il y a quelque chose pour gagner auprès d'Allah si vous l'intention bon. Parce que quand vous êtes musulman dans bon travail, qui vous gagne récompense. Dans la cour, il y a un joli pied man, l'étsi. Jour qui vous casse ban fruit. Vous finissez envoyer un petit parcelle. Côte un ou connaissance kafir. Côte un ou connaissance qui n'est pas musulman. Bien côté vous voisin ou voisine qui n'est pas musulman. Pour sa fruit qui finit de nuit là. Et une récompense pour vous auprès d'Allah si vous l'intention est pour faire Allah plaisir. Comme ça même, si grand matin, vous levez, vous allez redire du pain pour vous, pour madame et les enfants, ou un voisin, un vieux bonhomme, ou bien une vieille madame, les non-musulmans, il y a un tamoul, il y a un chrétien ou chrétienne. Les commentateurs, Pierre Boulanger, tape sur la pote, et tantine, passe-moi ou tante, on Pierre Boulanger là. Ça, petits efforts qui vous pouvez faire là, Allah pour récompense pour ça. Tous les dimanches, tous les samedis, ou bien tous les vendredis, ou au bazar, pour acheter ou poisson ou la viande. Les pauvres, ça non aux musulmans qui restent costés avec vous là. Les pauvres, ils ne veulent pas acheter la viande, mais ils ont besoin de trois légumes. Nous pensons aux tentes, nous pensons aux casses, au pire dans le même bazar. Un petit effort en plus qu'il peut faire pour aider sa non musulman là, pour faire Allah ta la plaisir et la récompense pour vous auprès d'Allah. Comme ça, même si vous pouvez voyager au pire de la Réunion, puis le Madagascar, bien Sud-Afrique, aux camarades non musulmans, finalement prendre qui peut faire voyage dans telle direction, les besoins un outil. Il y a besoin d'un ustensile, il y a besoin d'une petite chose pour lui, qui pour gagner dans sa langue, trois côtés puis aller là. Si ça trouve dans ou facilité pour acheter sa petite chose là pour lui, eh bien acheter, amène-lui ou une récompense à gagner auprès d'Allah. Donc, chers frères et sœurs, dîner islam en beauté. Parce qu'il est préparé par Allah qui voulait du bien pour 10 mounes dans la terre. Les musulmans finissent comme ce dîne. Les musulmans finissent comme ce façon de vivre qui ce créateur finit montrer par l'islam. Et les applique-lui une beauté dans cela vie qui partit à non-musulmans. De même, chers frères et sœurs, si vous avez un travailleur non musulman, ou un travailleur chrétien, ou un tamoul, ou bien un chinois, dans certaines occasions, vous donnez un cadeau, comme par exemple, dans l'occasion Eid ou fête, pas dans l'occasion sauf fête, non. Dans l'occasion ou fête, vous donnez un cadeau. Ce cadeau qui vous donne là, pas d'envie de ça. Avec l'intention pour faire Allah plaisir, pour ce cadeau-là, Allah pour récompense où? C'est un de l'exemple qui nous fait mentionner, chers frères et sœurs, de ça, ben, l'exemple qui nous mentionnait là. L'éclair qui n'importe qui bon action qui nous fait que là un non-musulman bénéficie avec nous, Allah content sa qualité bon action là, Allah récompense nous pour sa bon action là. N'est-ce qu'on vit, mais l'éclair dans l'esprit chacun parmi nous qui passe quand nous aide un musulman qui nous gagne récompense avec Allah si nous l'intention bon. Et aussi, quand nous aide un non-musulman avec bon l'intention, dans bon travail et la récompense auprès d'Allah. Comment l'islam montre un musulman pour aide un non-musulman dans un bon travail? Comme ça même l'islam défend un musulman pour faire dito un non-musulman pour qu'aucun droit un non-musulman. Un musulman n'a pas le droit de faire dito un non-musulman. Dans le hadith, dans le muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Pas pour rendre la jannat celui qui se voisin pas saint et sauf avec sa mauvaise conduite. Si musulman là, il y en a un voisin tamoul, chinois ou chrétien. Et ce musulman là, il fait dito son ban voisin par sa cassette, par sa télévision, par sa conne la veille mariage, par sa motocyclette qu'il met à mars grand matin pour sauf la bousie dans l'hiver. Tout ça là, il peut être puni pour ça si Allah pas fin pardonne lui, parce que sa qualité action là condamné d'après din Allah. Allah Ta'ala pas content qu'un musulman fait dito un non-musulman. Un musulman pas gagné droit. Cette saleté devant l'apôtre un non-musulman. Si un musulman est un voisin non-musulman, dans ce lacou, dans la cour, ce non-musulman-là, il a pied l'étsi, il a pied gouyave, il a pied mang. Ce musulman-là pas gagné droit. Casse fruit dans depuis dans pied ça non musulman là les besoins demandent permission avant qu'il y casse depuis dans sa pied là comme ça même si par exemple un non musulman peut traverser d'un endroit à côté d'un musulman il peut passer l'eau sur bicyclette ou motocyclette ou bien l'auto fin arriver un enfant musulman fin tape avec l'auto fin tape avec bicyclette six enfants là en taux. Musulman là pas gagné droit à faire aucun dito pour ça non musulman là. Pas comme azodienne pas que l'asca faire. L'air un accident fin arrivé, quand là ce petit garçon bien ce petit fille fin tape avec le taux, il pas pour venir demander que c'est là qui en taux, que c'est là qui en raison. Comment il fin gagne une nouvelle, ce petit petit 3 ans fin fait accident, long dit bas dans son âme et pèse aussi. Direction sauver. Spéna pour demander qui c'est là qui est en taux, qui c'est pas que c'est là qui est en taux. Spéna question vous poser. N'est-ce qu'il vient corriger? L'écoriser, laisse-le corriger par son injustice. Allah connaît quand pour faire la main la paralyser. Allah connaît dans quelle façon pour punir sa insan là, pour sa injustice qu'il vient faire l'eau la terre. Mais Allah pas pour quitter lui. Comme ça même. Un musulman pas gagné droit. Qu'aucun le balance. Quand un non-musulman peut venir acheter quelque chose contre lui, il ne faut pas qu'il y ait un musulman qui peut venir acheter. La ligueté dit ça. Ça nous l'équipe, ça. Ça a besoin de ni vaccins. Les sinois, bien tamoul ou bien madras, venir. Ça n'a besoin de manger, ça. Quand le ferraille en bas, le balance, ça. Mettez un bout de ferraille en bas, balance. Sinois qui peut venir acheter. Trangle-le, sinois qui peut venir acheter. Ça, musulman là, il est capable de casser avec aucun le balance. Il est capable de casser avec toute créature, mais avec créateur, il n'est pas pour qu'il casser. Quand ça boute la viande, qu'il peut coquin dans balance pour faire cancer dans son trip. Docteur, pas pour trouver médecine pour soigner cancer. Les qui connaît, ça zulum qu'il fait à la loi sur balance, Allah peut trouver qu'il peut coquin. Allah pas content. Qu'un musulman, qu'aucun droit, même pour un non-musulman. Comme ça, même si un non-musulman employé côté un musulman, si il employe lui pour une somme de 3000 roupies chaque mois, musulman là, besoin de donner ce 3000 roupies, un roupie pas gagné droit qu'aucun pour lui. Il pas gagné droit, ça musulman là, pas gagné droit dire ça non-musulman là, te signe 3000 dans le livre, mais seulement je vous donne 2500 seulement. Et dans ce l'équerre, musulman là peut dire 500 là, je vous amène la case, la monnaie haram, parce que film pour ça l'esprit. Ça 500 là, je vous amène haram la case pour donner mes enfants manger. Ça 500 qui m'ont coquin chaque mois l'auto, non là, je parle de loterie. Allah Palestine bénéficie avec ça haram là. Allah Palestine bénéficie avec ça la monnaie haram là, les coquins pour ça non musulmans là. Dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah ta'ala fin dire en a trois dimoun qui jour qiyamat me pou discuter avec lui. Allah qui dit ça. Avant qu'il nous complète hadith là, essayez de comprendre bien sa expression qui Allah peut servir dans sa hadith Qudsi là, chers frères et sœurs, pour nous comprendre gravité, action, gravité, péché qui s'abandimoun la faire. Dans sa hadith Qudsi là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'Allah finit dire trois dimoun jour qiyamat me pou discuter avec lui. Qui créature qui capable à le discuter avec créateur? Pas le discuter pour gagner raison. En dans sa trois là, c'est un dimoun qui fin emploi et un autre dimoun, il fin bénéficier service ou employé, seulement aller pour payer lui, il n'y pas donné lui ce droit. Il prend ce service complètement, d'après conditions qui te dit, premier jour qu'il tire en travail, mais seulement il n'y pas fin donné lui ce droit. Il n'y a pas fini de payer la quantité qui tient pour payer lui. Sa volée là, sa zalim là, Allah ta'ala pour discuter avec lui sur Qiyamah. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Enna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Zulum, c'est-à-dire fait dominer, qu'aucun droit les autres, fait dito les autres, ça s'appelle zulum. Ça pour vin l'obscurité jour qiyamah. Pour ça dit moun là, pour ça dit moun qui fin pratique zouloum là, ça pour vin l'obscurité veut dire qui dit moun là pour dans difficulté jour qiyamah. Ça zalim qui fin faire dito ce prochain là. Ça zalim qui fin faire dito musulman et non musulman. Ça zalim là, il pour gagner punition jour qiyamah. L'islam permet à un musulman pour coopérer avec un non-musulman, pour faire une organisation, une société, pour aider les gens dans le bon travail. Mais pour faire mauvais travail, non. Pour faire quelque chose qui est en contradiction avec din islam, ça, il n'y a pas gagné droit de donner ce coup de main, ni par l'argent, ni par les temps, ni par son écho, ni par son esprit, ni par son parole, comme par exemple. Si vous avez un collègue d'un travail, pour ramasser casse, pour faire un statut, tel ministre, ou pas gagner droit, donne un sou, qui fait parce qu'il ou musulman, aux missions de la terre, c'est pour faire des efforts, tirer un statut dans lequel Dimoun et la terre que Dimoun peut vivre, et non pas pour donner un coup de main pour augmenter le nombre de statuts qui est dans la terre. Même si vous camarade intime qui partit ou l'habitude pour réfléchir quelque chose, mais là, quand il peut dire ou aide-lui pour faire un travail qui en compte ou digne, pas besoin de gagner un texte fin dire ou dans le commencement pour dire lui ou connaît pas besoin en colère. Mon religion pas permettre moi pour contribuer dans sa qualité de travail là. Si on a les autres contributions, te dire moi, mon boudon toi, avec plus bonne parole pour pas gâter l'amitié avec lui, refuse-lui. Refuse-lui pour faire Allah plaisir. Et non pas vous faire lui plaisir pour aider lui dans un mauvais travail. Et après ça, au compte plus difficile auprès d'Allah, si vous avez un magasin ou une boutique ou une tabagie, vos camarades intimes, peut de nous loterie pour vendre, vous n'avez pas le droit d'accepter. Pour lire l'autre halal, mais où qui vient accepter din Allah, c'est Allah qui vient faire lire haram. Ou pas gagner droit à faire plaisir à sa non-musulman là pour déplaire Allah. Avec plus bonne parole, ou faire lire connaître, la comme din ou comme waliya din. avec sagesse, avec plusieurs paroles doux, ou refuse-li. Donne-moi un autre article pour vendre pour toi. En place N, donne-moi deux articles pour vendre pour toi. Mais ça n'a là, non. Loterie, non, parce qu'il m'a religion. Pas permettre-moi. Mon créateur, fin ferma, connaît qu'il est défendu, mais pas pour faire li. Donne-moi un autre article pour toi, mon vendre-li. Comme ça même, si vous avez une librairie, vous avez une librairie, vous avez un livre. C'est nos camarades, ils finissent dans l'occasion, un lot, ban revi pour nous, un joli lot pour Marseille, un ban artiste, un ban majorette avec toute qualité pose. On a un service de 25 coûte pour moi. 25% commission pour toi. Non, Serge. Anil sourit. Ça n'a là, non. Donne-moi une autre revue, moi, pour vendre. Revue, quand on a immoralité, ça n'a là. Pas besoin d'être en colère, moi, pas gagner droit, vendre. Si un non-musulman, ou camarade intime, il connaît qu'on a quatre bêtes à taper, gros les bras. Il finit un petit problème avec un kikan. Par contre, c'est pas Lianto, ou bien l'autre là qui est en tout. On est qui vient avec vous, et il soupe Daoud. Avoye ton les bras là, casse l'autre là, celui qui vient écoute moi. Moussalman, pas gain droit, plaît à nos musulmans pour faire l'injustice, pas gain droit. Même si on a l'autorité, même si on a la force, même si on a l'impôt, qui est encore? Il n'a pas gagné droit. Et non musulmans, pour le faire, dit-on les autres. Alors, chers frères et sœurs, je l'ai dit en islam, comment montrer musulmans pour vivre avec non musulmans? Connais-tu musulmans? Tikon, ce mode de vie qu'appelle islam, et tu mets en pratique. Nous partis pour besoin cause beaucoup pour qui non musulmans acceptent l'islam. Si beauté l'islam, c'est dans nos comportements. Si beauté l'islam, c'est dans nos façons de vivre. Non musulmans, tu peux rentrer dans din islam sans beaucoup d'efforts de nos part. Nous demandons avec Allah que Allah Ta'ala donne-nous l'occasion pour présenter sa beauté islam là avec ou camarades non musulmans. Peut-être pas un petit effort qui vous faire sa non musulman là attiré par islam et livine musulman et ou qu'on aux récompenses auprès d'Allah. Si vous faites un récit, faites effort pour tirer un idolâtre dans son idolâtrie, pour amener lui vers la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous faites un récit travail avant qu'il aille dans le qabar, ça, au même qui vous trouve quand c'est récompense qu'Allah Ta'ala fait écrire pour vous après la mort. Qu'Allah Ta'ala donne-nous sa chance-là, chacun parmi nous, hommes et madames, qui Allah Ta'ala donne-nous sa chance-là, au moins nous travaille un mouchlik, un kafir, un non-musulman pour inviter-lui et faire des efforts pour lui rendre de din islam. Allah Ta'ala classe ben non-musulmans en deux catégories d'après le Coran. Une catégorie dans Surah Mumtahana, Surah 60, Allah Ta'ala dit: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تعالى dit: Allah pas défend eux pour traiter bien, pour agir bien avec ban, ici sous-entendu ban non musulmans, qui pas la guerre avec eux concernant din, et ban qui pas tiers autres depuis dans autre la case. Ban qui pas l'idée pour tiers autres depuis dans autre la case, depuis dans autre l'endroit. Allah pas défendu pour agir bien avec sa ban là et pour donner ban là qui chose en cadeau. Allah pas défendu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah content ban zimoun qui agir dans sa façon là, d'une bonne façon avec ban non musulmans qui pas la guerre avec eux concernant din et qui partent eux depuis dans eux la case. Ça a une catégorie non musulman qui est dans le Coran. Une fois, Asma bint Abi Bakr, une madame qui s'appelle Asma, est une musulmane, mais ce maman, si un idolâtre. Ce hadith-là, cet événement-là, rapporté par Bukhari. Une fois, ce maman fait une visite. Lui, pépé, pour recevoir ce maman dans ce lacaz, parce qu'il lit madame-là, il y a une musulmane, et ce maman est un idolâtre. Lui dit, man, prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a un droit recevoir ce maman? Elle a une bonne relation avec ce maman, pourtant ce maman est un mouchirik, ce maman est un idolâtre. Qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ali, il dit Ali, recevoir ton maman, agir bien avec lui, et une bonne relation avec ton maman. Et là, nous donnons un conseil spécialement pour un frère et soeur qui ne rentre dans l'islam. Pour bonnes frères et sœurs qui embrassent l'islam, prend beaucoup de précautions. Moi, nous finissons prendre là qui qualité, comportement un musulman besoin ena avec vis-à-vis un non-musulman. Normal, l'air un frère ou une sœur fin converti, fin dans l'islam. Et si ce maman papa pas encore converti, plus souvent, ça pas pour plaire maman papa là qui ses enfants fin quitte sa religion, fin rentre dans l'islam. Et alors maman papa là, les pour maltraiter sa garçon là, les pour maltraiter sa petite fille là, sa garçon là, sa petite fille là, besoin connaît qui dit islam, qui dit fin embrasser, pas permettre lui pour maltraiter son maman papa. Même si son maman papa maltraite lui. Lili pa gen droit an pareil parce qu'il nous finan prendre et n'a ban frère et sœur qui peut-être pas manque de connaissance ou bien pas manque de patience les autres familles mettent pression aux autres langage qui se servit il pas du tout islamique langage qui se servit il pas bon du tout et sa façon là pas pour attirer sa maman papa là vers l'islam au contraire si sa garçon là sa petite fille là, les patientes li, malgré tout ce qu'il tendait pour déplier avec son maman papa, malgré ça, il agit bien envers sa maman papa là, qui connaît Allah Ta'ala, capable de donner hidayat sa maman papa là, par comportement sa garçon là, par comportement sa petite fille là. Donc, chers frères et sœurs, surtout, bon frères et sœurs qui rentrent dans l'islam, nous bien faire les autres connaît. Qui ont besoin de patience quand une bonne famille maltraite eux besoin de patience et ça maltraité là inshallah li pour un certain temps seulement li pas pour tout le temps et alors prend patience et par bon comportement capable faire sa bonne famille là aussi accepter l'islam dans hadith Bukhari raconté qui tient un garçon, il était juif. Et il était dans le service Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il était fait faire commission pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour l'acheter ça, pour l'acheter ça. Ce garçon-là finit arrivé malade. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit venir rendre visite dans la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin vin assise côté la tête de ses enfants là. Et après, il finit d'y aller. Oh, a-t-il accepté l'islam? Dans le dernier moment, il peut présenter l'islam, même qu'il tient juif. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il traite bien. Là, le prophète dit Ali, accepter l'islam. Ses enfants-là, Nektoun, se figurent dans la direction de son papa qui dit la même. D'une façon, comment dire, pour dire, manli permission. Et ce papa, Nekdiali, obéir à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est un autre titre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, fin déclare sur l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un petit moment après, il quitte sa l'assemblée, il sortit et il dit Alhamdulillah, alladhi anqadhahu min an-nar. Tout éloge pour Allah, celui qui fin sauve ses enfants-là avec dix fées, c'est-à-dire avec dix fées l'enfer. Comment? Dans ce dernier moment, il fin récit accepter l'islam. Mais guide bon comportement vis-à-vis des non-musulmans, comment capable de moyen pour faire da'wah avec les autres, pour inviter les autres vers l'islam. Vraiment, chers frères et sœurs, le bon comportement vis-à-vis les non-musulmans est un grand moyen pour nous travailler les autres, pour inviter les autres vers l'islam. Et après tout, un musulman, sa mission sur la terre, c'est quoi? Un musulman, sa mission sur la terre, résume dans deux phrases. Il fait des efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah et il fait des efforts pour convaincre les autres pour vivre dans l'obéissance à Allah. Ça, une catégorie. Deuxième catégorie, dans la même surah, surah Mumtahana, ayat numéro 8, Allah Ta'ala dit Innama yanhakum Allahu 'anil ladhina qataluukum fid din. وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله تعالى بيزيه dans sa ayat là. Allah li nek défend zot, c'est-à-dire ban musulman, li défend ban musulman. Allah تعالى li nek défend zot pour une relation intime, t'as l'air pour expliquer ça terme relation intime là. Allah li défend pour une bon relation intime avec ban dimoun, ici ban dimoun c'est-à-dire ban non musulman, ban dimoun qui laguer avec zot concernant din, c'est-à-dire ban qui peut travailler pour déculture ban musulman. Et ban qui si les autres depuis dans autre l'endroit, depuis dans autre la case, et ban qui donne coup de main les autres ban dimoun, pour si les autres depuis dans autre l'endroit, dans autre la case. Sa ban catégorie dimoun là, Allah défend ban musulman pour une bonne relation intime avec zot. Bonne relation intime, ici en terme arabe, yatawalla veut dire. Ou estime-li beaucoup jusqu'à tel point quand les diaos font une petite chose ou même zéné pour les fils dit. Ou estime-li sa quantité-là quand les pédons nous un verre whisky difficile pour les fils dit. Difficile pour les fils dit. Intime. Trop intime. Une trop respectée. Une trop attachée avec lui. Quand il donne un conseil, même puis à l'encontre d'un islam pas qu'à refuser. Sa qualité relation là, dans sa façon là, get un non-musulman qui peut travailler pour déculturer le musulman pas gagne droit et n'a sa qualité relation avec lui. Le musulman pas gagne droit et n'a sa qualité relation là avec sa non-musulman qui peut travailler pour déculturer lui. Et tant cet avertissement là, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. N'importe qui s'en là qui établit sa bonne bon relation là avec sa bonne qualité non musulman là, sa bonne dimoun là ban zalim. Allah qualifie les autres comme ban zalim, ban injuste, ban qui fait injustice avec din Allah. Donc nous trouvons, chers frères et sœurs, c'est une deuxième catégorie, ben non-musulmans là, étant donné toute l'intention pas propre vis-à-vis ben non-musulmans, ben donc l'innormal qui Allah Ta'ala met en garde ben musulmans, fait attention, parente avec sa ben non-musulmans là, ben qui perd au travail pour séparer ou avec ou digne. Dans l'autre place dans le Coran, Allah Ta'ala montre-nous qu'il y en a dans l'esprit sa deuxième catégorie non-musulmans là. Dans Sourah 5, ayat numéro 57, Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin » Ban kena iman. N'a pas prend comme ban intime, ban dimoun qui peut prendre ze din en bouffonnerie, en badinage. Yet qu'il y a dans l'esprit, pas tout kafir, non. Un ban kafir qui jette l'esprit sale. Ban qui pas content, ban musulman vivre dans ze din. Pour ça, ben là, Allah Ta'ala peut mettre en garde, ben musulman, fais attention, pas prendre ça, ben là, comme intime. Pas laisse les quais attacher avec ça, ben là, sinon pour détourner. Men alladhina outul kitab amin qablekum. Parmi ben dimoun qui finit un livre avant eux, c'est-à-dire ben juif et ben yahoud, ben nasara. Wal kuffar, et ben kafir en général, pas des juifs et nasara. Pas des juifs et chrétiens, mais tout kafir, kafir. Pas prendre zut comme ban intime. Et Allah dit, Wattakullah, paix Allah, in kuntum mu'minin. Si zut croyant. Veuillez, si zut vraiment musulman, paix Allah, et pas les salamitiés là, développer jusqu'à tel point, pas l'estime sa ban là, jusqu'à tel point qu'il peut pas refuser zut les ban là pour inviter nous pour commettre haram. Même si ça ban di moun qui peut faire bouffon avec din là, li nou mama, li nou papa, li nou famille proche, nous pas gagne droit et n'a bon relation intime avec sa ban là pour nous laisser nous influencer par zot, nous pas gagne droit. Dans Sourah 9 ayat numéro 23, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله تعالى dit إبن كنا إيمان, c'est-à-dire إبن musulman, n'a pas prend comme un intime زد papa, زد frère. Si ban la fin préfère kufr ki iman, si ban la fin préfère amen la vie kafir, tu n'es pas content amen la vie musulman. Et Allah dit, wa men yatawallahum minkum, n'importe qui sont là parmi eux, qui a sa bonne relation là, sa relation intime avec sa ban la, avec ze ban papa, ze ban frère, fa oula e kahmu zalimoun, sa ban zalim sa, ban ki peut injustice, même si vous prouve disant. Mais au travail ou pas, mais nous vers coffre, pas laisse ou influencer par lui. Si Allah peut dire ou frère ou papa, ou bien pas établir une bonne relation intime avec eux, c'est un ministre. Si le ministre peut dire ou un, prends ça, qu'est-ce qu'il a, le partager. Donne d'avoir partout, devant la municipalité, pour une séga, pour une fête culturelle. T'as ça, joli mot là, culturelle. Pour montrer culture, qui culture? Culture l'Europe danser. Alors si au ministre ou bien au maire de nous, ça a été d'awat là, j'ai dit sorry. Même si nous famille, même si nous frères, j'ai dit non. La comme din, comme walia din, pas gagné honte pour j'ai dit sa vérité là. Sa deuxième catégorie parmi ben kafir là, ben non musulmans, tout le temps fin existe l'eau la terre pour lutter pour déculture ben musulmans. Je veux dire, pour faire ça musulman là, dégoûte ce bon principe qui se dit de montrer lui. Pour faire musulman là, détester bonne manière qui se dit de montrer lui. Dans l'autre ayat dans le Coran, dans Surah 2, ayat numéro 217, Allah Ta'ala dit, signification de cet ayat là, Allah dit, ça va non musulman là, pour continuer, tant bien qu'Allah dit, pour continuer, lutter avec eux, et ben musulmans, pour lutter avec eux, jusqu'à qu'ils ben là détournent eux avec eux dignes, si ça ben non musulmans là capable de faire ça. Dites le but. Ben là travail, ben non musulmans pour lutter contre ben musulmans, qui fait, Allah t'a la dire, pour qu'ils ben là détournent ben musulmans avec eux dignes. Dites le but. C'est pour déculturer les musulmans. Et Allah fait attendre cet avertissement-là. N'importe qui s'en là parmi eux, qui quitte ce din et dit mot comme un kafir, tout ce bon action qu'il y fait faire, peut n'avaler ni dans dunya ni dans akhirat. Et ce bon dimoun là, eux pour dans diffé pour tout le temps. Qui ban? Ban qui au commencement sont musulmans. Et ensuite, ben, kafir finirait-il travailler autres, finirait-il déculturer autres, jusqu'à l'an dernier, ça, ben, musulman là, fin trouve pour dégoûter l'islam, critiquer l'islam, et qui, quand c'était musulman, il y en a comme ça, je vous dis, même dans l'île Maurice. Alors, chers frères et sœurs, il fin clair qui, pour ben, non-musulman, qui a une tendance pour déculturer nous, pour d'abord ben non musulmans qui n'ont pas contact avec autres, mais seulement nous pouvons trouver qui plus nous pour fréquenter autres nous pas perdre din, ça veut dire nous besoin guetter dans qui façon diminuer relation là et si capable coupler. Par exemple nous tifi qui est au collège y habillé comme Allah fin montré mais une camarade Suzanne. Mais Suzanne, ça coûte jelly. Et Farida, ça qui t'enveloppe tout la tête là. Tu n'as pas gagné ça avec ça dans l'été, donc. Si elle y. Si Suzanne peut dire Farida, et Farida, tu connais dans quelle époque nous pouvons vivre. Violence partout. Tu as besoin qu'on te défende toi. Si un jour, dans la rue, quelqu'un te fait toi, dis-toi. Viens normalement, nous parlons entre toi, nous donne toi leçon karaté. Zach pour donner toi leçon karaté. Anil pour montrer toi qu'on a besoin de battre 10 mounes. Et là, tu finis par enveloppe toi comme ça, ben là pour rire toi. Prends pantalon ton frère avec tricot ton papa. Tu finis, ben là pour montrer toi qu'on a besoin de faire karaté. Parce que normal, ça quand tu es en enveloppe toi, tu es un peu sans histoire, zéné pour tirer à l'autre pied. Alors, plutôt capable, un côté, tu as self-defense. Si un jour tu es marié, tu es monsieur, tu fais quelque chose, tu es capable de défendre toi. Si nous au courant de sa situation-là, nous dîne pas permettre-nous pour laisser nous tifi fréquente sa qualité tifi-là. Nous dîne pas permettre-nous pour laisser Suzanne rentrer dans nous la case avec plus bon parole, avec la sagesse, nous guetter comment il y a besoin de casser sa relation-là. Comme ça même. Si ou madame et na dimoun qui peut fréquenter lui, ban connaissance qui peut venir dans la case, ban madame même, mais seulement on peut trouver doucement, madame là peut cause ban l'autre qualité causée. Puis j'ai vu, quelle qualité un jour, capable de trouver madame là peut cause avec ou Ibrahim. Et Ibrahim, qui fait Allah fin faire loterie haram, hein? Qui est nous dans difficulté, tu connais si loterie tu gagnes, donc moi tu peux courir. Get 6 ans, il y a 6 dans difficulté, tandis qu'il gagne bon pas, un quart million. Si Allah t'y fait les halal, comment t'y fait bon, non? Si un dimon, il pense comme ça, il peut coster avec coffre, ou peut-être infini plonge dans un coffre, ça n'est qu'Allah qui connaît. Ou encore, il vient montrer où ce manque de satisfaction pour certaines la loi qu'il y a dans l'islam quand il fréquente Rita ou bien Juliette. Pour dire, oh, et la vérité, ça l'habillement là, et puis agaçant, hein, envelopper sa quantité là, même en l'été, pour lui montrer son mécontentement, manque de satisfaction. ça fait qu'il commence à dégoûter l'islam, il est dangereux. Mais dès qu'il est là, il travaille. Ou madame, ou tifi, ou dimoun, il peut déculturer. Ou bien la vitesse attaque la situation. Et enfin, chers frères et sœurs, pour terminer, c'est Allah qui fait créer tout le monde. Allah qui fait créer musulmans et Allah même qui fait créer chinois, madras, tamoul, indien, chrétien, juif, etc. Et Allah qui peut juger chaque insan. Allah qui peut juger chaque insan. Pas nous les musulmans qui peut juger, pas nous musulmans. C'est Allah, au Qiyamah, qui peut juger chaque dimoun. Et c'est Allah même qui vient faire nous connaître une partie de ce jugement. C'est-à-dire, bandimoun qui pas accepté din islam pour vivre pour tout le temps dans l'enfer. Allah fin décide dit comme ça. Musulman pas gain droit en colère. Parce qu'il y en a là. Les associés kafir fin mot. Et fin jali. Mais kafir là fin mot, tu n'as pas gain droit faire droit pour lui, hein. Il mot kafir. Il se tait. Mais qui est-ce qui a mis kafir? Il y a un dimoun, non? Mais seulement, lorsque Allah ne connaît pas qu'Allah fin défendre pour demander pardon pour un dimoun qui meurt comme kafir. Dans Surah 9, ayat 113, Allah Ta'ala dit: Ma kana lin-nabiy wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba. Le messager Eban Kena Iman, pas gain droit, d'Iman pardon pour ban idolâtre, même si sa ban idolâtre là, ban famille proche. Allah décide dit comme ça. Lorsqu'il est en colère, le sli en colère. Ou musulman, connaît qu'il n'a pas gain droit, d'Iman pardon pour ou sef qui mot comme kafir. Pour bourgeois qui fin mot comme kafir. Pour les meilleurs qui fin mot comme kafir. N'importe qui kafir, même s'il est famille, même Allah dit, même s'il est proche, ou pas gagne droit d'y demander pardon pour lui, s'il finit content par dans akhirat avec kufr. Oui, Allah pas défend nous pour agir bien avec sa kafir qui finit mot là, sur madame's enfant, si ban la pauvre, de nous autres manger. Ça Allah pas défend nous, comme on nous l'expliquait dans le commencement. Donne-nous, payez notre location, notre pauvre, achetez manger, donne-nous. Mais pour ça, une sane qui fait mort comme kafir, là, ça n'a là ou pas gagné droit d'iman avec Allah, ou Allah pardonne ça, une sane kafir, là, ça, Allah pas content. Allah il défend où? Donc, un musulman, il n'a pas gagné droit d'iman pardon pour un dimoun qui est mort comme non-musulman. Donc, chers frères et sœurs, à la quelques mots concernant ce qu'il nous dit, montrez-nous quelle qualité, comportement, comment nous devons vivre avec les non-musulmans. Nous demandons avec Allah, qu'Allah Ta'ala fait nous comprendre sa haine des bonnes paroles-là, qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier avec sa haine des bonnes paroles-là, et qu'Allah Ta'ala aide-nous pour vivre d'une façon qu'il vous satisfait avec nous. Qu'Allah Ta'ala mette un comportement islamique dans nous la vie, un comportement vis-à-vis les musulmans et vis-à-vis les non-musulmans. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Il fait un doigt pour ça nous dispense. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawm al-din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد